Les centaures, deuxième partie, 2. Cadilda a revu les hommes. Pendant bien des jours, elle a lutté contre l'instinct secret qui, tous les matins où elle n'accompagnait pas ses frères au champ de Reiki, l'a poussée vers la rivière aux cygnes. Pendant bien des jours, elle a voulu chasser le souvenir de sa rencontre, oublier l'enfant Naram qui l'appelait par son nom, Cadilda. Et puis, sa force de résister s'est éteinte. Un matin, à l'aube, elle est partie. Elle a franchi la plage du midi. Elle a remonté le cours de la rivière. L'œil aux aguets, les narines dilatées, l'oreille tendue, posant ses pieds avec précaution pour ne point froisser le feuillage, elle s'est enfoncée dans les bois qui l'environnent. Elle a reconnu les passées des hommes, moins large et plus haute que celle du sanglier. Elle les a suivis. Elle sait maintenant où gîte le peuple de Naram. Dans une clairière, au milieu d'un bois de châtaigniers, elle a aperçu, à travers les fourrés, les grottes singulières que les impurs savent élever eux-mêmes avec des branchages, des mousses, du fourrage et de la boue. À l'entour des cabanes, elle a vu les mâles et les femelles vaquer à leurs occupations. Les unes sont affreuses. Avec horreur, Cadilda les a regardées dépecer des bêtes égorgées et se repaître de leur chair. D'autres fois, ils se livrent à des travaux d'une adresse surprenante. De leurs doigts, si merveilleusement fins et déliés, ils assemblent des pots, taillent le bois et la pierre, les font adhérer par des procédés qui tiennent du prodige. À suivre leurs mouvements subtils, Cadilda se sent étourdie. Pendant longtemps, un dégoût venait à la Vierge de ces corps exsangues que recouvrent des fourrures arrachées et leur odeur fade lui donnait la nausée. Peu à peu, elle s'y est accoutumée. Bien que l'idée ne puisse l'effleurer de comparer la faiblesse des écorchés à la force divine des centaures, Cadilda ne leur dénie point tout mérite. Chez eux, les mâles dédaignent les luttes grossières. La peau des femelles est d'une finesse incroyable. Auprès d'elle, Cadilda, si admirée parmi son peuple, n'a qu'un cuir rude et commun. Tout comme Kyr, la chauve-souris, peigne son poil avec ses pattes, de manière à le répartir en deux masses séparées par une raie toute droite, les femelles des hommes savent, avec un instrument bizarre, lisser leur chevelure. D'abord, Cadilda a trouvé grotesque leur manière. Un jour, elle a voulu les imiter. Elle a dû y renoncer, humiliée et découragée, à cause de la maladresse de ses doigts gourds. Et les petits des hommes aussi, semblables avec leur peau nue et rouge et le grouillement de leurs membres à de gros vers ou aux oiseaux déplumés, Cadilda, d'abord méprisante, a appris à les regarder sans répugnance. Et même elle sent dans son cœur des mouvements inconnus quand elle les voit se rouler dans la mousse en gazouillant, sous les regards de leur mère qui, de temps en temps, les serre dans leurs bras. Au lieu de railler leurs ébats puérils, les mâles, eux aussi, vers le soir, s'associent à leur jeu. Assemblés à l'entrée des cabanes, hommes, femmes et enfants se divertissent tous ensemble. Et le cliquetis de leurs paroles précipitées, qui jadis lui semblait ridicule, n'apparaît point maintenant sans charme à la centauresse. Une nuit tiède, où les lucioles étincelaient, où la joie des cigales chantait dans l'herbe, scandée de la plainte mélancolique du crapaud, Cadilda, sous la clarté nacrée de la lune, a vu une chose étrange. À l'écart de leurs frères, derrière un fourré, deux êtres pâles, un homme et une femme, étaient étendus côte à côte. Sous la caresse lunaire, leurs corps blancs unis tachaient l'herbe grasse. Leurs bras étaient enlacés. Leurs bouches murmuraient tout bas. Soudain, leurs lèvres se sont longuement jointes et puis ils se sont endormis, la tête de la femme appuyée sur l'épaule de l'homme. Et leur visage paisible rayonnait. Pourquoi, de ce spectacle, un trouble obscur a-t-il saisi le cœur de Cadilda? Chez les centaures, les mâles dorment séparés des femelles. La nuit suivante, avant de s'assoupir solitaire, Cadilda a posé ses lèvres sur son bras, comme elle a vu faire à l'homme et à sa femelle. Une chaleur a couru dans ses veines. Certes, le peuple aux 6 membres ignore à bon droit une telle caresse. Nul désir n'émeut la Vierge de presser sa bouche contre la bouche maflue d'un de ses frères. De tels attouchements sont indignes des centaures. Rien que de les concevoir convient plutôt à un faune lascif qu'à la fille du peuple roi. Pourtant, plus d'une fois, la pensée de Cadilda est revenue au couple endormi. Une nuit, frémissante tout entière, elle s'est réveillée d'un rêve honteux. Voici que sur l'herbe, elle aussi était couchée, et que sur ses lèvres se posaient 2 lèvres fraîches et brûlantes à la fois, qui était celle de l'enfant Naram. Car aussi, elle a revu Naram. Elle sait dans quelle grotte de feuillage il habite. C'est l'une des plus vastes au pied d'un châtaignier mort. Avec lui demeure un mâle dans la force de l'âge et une femelle auxquelles il obéit. Sans doute il est né de leurs entrailles. Et la femme allait un nourrisson blanc et rose qui est le frère de Naram. Un matin, Cadilda, au débouché d'un fourré de laurier rose, s'est tout à coup trouvée en face du petit homme. Il a eu un cri de surprise et, souriant, l'a appelé. Mais d'un saut, la centauresse s'est dérobée dans les buissons et elle s'est enfuie de toute la vitesse de ses jarrets. Entre elle et l'ennemi de son peuple, il ne saurait y avoir d'amitié. Et l'idée seule qu'encore une fois la main de Naram pourrait l'effleurer la bouleverse. Mais quelquefois, sans qu'il le sache, Cadilda, cachée dans les hautes herbes de longues heures, a guetté l'enfant Naram aux membres grêles. Et lorsqu'elle rentre aux grottes rouges, Cadilda retrouve sans plaisir les jeux, les querelles et les rires bruyants de ses frères. Et elle répond avec colère aux paroles aigres des vieilles et aux sarcasmes des mâles. Car, bien que les animaux rois soient libres de leurs actions, il est contraire aux coutumes qu'une centauresse préfère la solitude à la compagnie de son peuple. La règle est que la joie et la pensée de chacun soient dans la joie et la pensée de tous. Et quiconque affecte de vivre à l'écart agit contrairement à l'esprit de la race. À cause de cela, Cadilda est un objet de reproche, mais elle n'en a cure. Tous les jours où la horde ne va point au champ de Reki, elle prend sa course vers la rivière aux cygnes, et la nuit, quand elle repose à l'abri des grottes rouges, elle n'est point davantage parmi les siens, car elle rêve de Naram aux yeux clairs, dont la caresse s'est posée sur son flanc. Une pluie d'orage est tombée tout le jour. Au déclin du soleil seulement, le dôme gris se craquelle. Quelques pâles rayons filtrent à travers les branches, font scintiller les perles humides dont elles sont couvertes, diapre de reflets éclatants, les hêtres rouges et les bouleaux jaunissants. Les centaures n'aiment point la pluie. Aussi, leurs esprits sont moroses et le retour aux grottes est exempt de clameurs joyeuses. Selon sa coutume, le regard de Clévorac erre à droite et à gauche. Soudain, il claque de la langue, se détourne de la passée ordinaire et pointe à travers les ronciers. La horde le suit. Il s'est arrêté auprès d'un corps étendu sur la mousse. Celui de Galli, l'antilope rousse, sans queue, au ventre blanc et aux cornes annelées. La mort est dans ses yeux de velours. Son sang ruisselle, le tremblement de l'agonie secoue ses membres. Clévorax s'agenouille, soulève de ses fortes mains la tête fine et, d'une voix de colère, « Qui donc a violé ma loi ?» L'antilope passe sa langue sur le bras velu du protecteur, puis son cou retombe inerte. Elle est morte. Elle appartient au carnassier. Mais un devoir subsiste, la venger. Attentif, Clévorax examine la blessure. Y reconnaîtra-t-il la dent de Raram, le jaguar aux membres souples, ou celle de Herta, la louve, ou peut-être la corne furieuse de Bor, le bœuf sauvage aux colères ineptes? Quel qu'il soit, le meurtrier n'échappera point au châtiment. Les sourcils de Clévorax se froncent. Au milieu de la plaie qui suinte, quelque chose est enfoncé. Le chef élargit la blessure de ses gros doigts, saisit une tige et tira lui. Au bout du morceau de bois écorché, imprégné de sang, adhère une pierre pointue aux arêtes tranchantes. Les jeunes centaures poussent des exclamations. Quel est le nom de l'arbre étrange où bourgeonnent ces pierres? Avec des cris et des rires, ils se penchent pour contempler le prodige et s'interrogent tous à la fois. Mais, comme par l'effet d'un froid subi, les dents de Cadilda s'entrechoquent. Une douleur lui mord le cœur. Le sang a-t-il cessé de réchauffer ses membres? C'est qu'elle a déjà vu de tels morceaux de bois, où un sortilège enchâsse des cailloux acérés. Et elle sait que ce n'est point d'une souche qu'ils sortent, mais de mains industrieuses, aux doigts minces. Un tourbillon si confus de pensées s'agite en elle, que ses yeux se voilent et que ses muscles sont sans force. Clévorax tourne et retourne la javeline brisée. Il la flaire et la considère tour à tour. Sa face tannée se fend de plis si terribles que les jeunes centaures cessent de rire. Il hèle Urico. « Vieille, connais-tu cela ?» Et la vieille n'a pas plutôt posé l'objet sur sa paume qu'elle le rejette et glapit d'une voix stridente à plusieurs reprises. « L'écorché ! L'écorché !» Tous tressaillent. D'un seul instant, les voix la cabrées, les yeux en flammes et les poings levés. Les queues fouettent les flancs, les sabots piétinent. Des ronflements sortent des poitrines entre les dents serrées. On se bouscule autour du chef. Pourquoi déjà le sang de Galie n'est-il pas vengé? Mais Clévorax branle la tête et réprimande durement son peuple. S'élanceront-ils au hasard pour atteindre les écorchés? Galie, blessée, est capable d'avoir fui plusieurs journées, et son empreinte si légère a été lavée par les pluies. En vain, le vieux scrute les buissons de l'œil et du nez, aidé par Urico, Haïdar et les plus sagaces. Peine perdue. Il a une pause et réfléchit. Mais telle est l'exaltation des esprits que des grognements se font entendre. Restera-t-on immobile au lieu d'agir? Arc gesticule comme grisé du suc des raisins. Et soudain, parce que Haïdar hausse les épaules et grommelle en le toisant, il se précipite sur lui. Tous deux s'empoignent et roulent à terre. Autour d'eux, parmi leurs frères, les uns prennent le parti du géant roux et d'autres celui de Haïdar. Des menaces s'échangent. Voici que déjà plusieurs se défient. Mais les meilleurs se rangent autour de Clévorax, obéissent à sa voix. Ils saisissent les combattants et rompent l'étreinte dont ils s'en serrent. Couverts de boue et de ramilles, les mâles se relèvent. Aux paroles sévères du chef, Arc sent sa raison renaître. Confus de leur légèreté, les plus impatients se taisent et attendent sa décision. Voici ce que fera Clévorax. Parce que, de deux jours l'un, les centaures se dirigent vers les champs nourriciers et en reviennent, et qu'ils passent l'autre à la cueillette des fruits, depuis longtemps ils ont cessé les lointaines chevauchées. Mais Pyrip n'est point astreint à une telle discipline. Aussi, bien souvent, Les faunes, par petits groupes, vont courir les forêts jusqu'à des distances considérables, telles qu'il faut plusieurs journées de galop pour les franchir. Peut-être, au cours de leurs expéditions, l'un des pieds de chèvre aura foulé quelques traces des écorchés. Avant de prendre un parti, il convient de les interroger. Tandis que le reste de la bande regagne les roches rouges sous la conduite de Krebs le prudent, Clévorac s'achemine donc vers la retraite des faunes. Il emmène avec lui Urico, dont l'esprit subtil saura déjouer les mensonges de Pirippe. Et il a aussi permis à Cadilda de l'accompagner, car, encore qu'il se défende de ce sentiment, comme d'une faiblesse peu conforme à la loi, le vieux chef éprouve pour la dernière née de son sang une tendresse particulière et se réjouit de sentir le flanc de la Vierge battre auprès du sien. À la lisière des grands bois, non loin de la région des oliviers, Pirippe et son peuple habitent d'énormes fourrés de houx, de lauriers et de géraniums géants qu'ombragent les dômes des hauts noyers. Telle est l'épaisseur des feuillages superposés que les pluies d'automne n'arrivent point jusqu'à leur refuge, non plus que les vents des tempêtes d'ouest. Ils sont à proximité à la fois des forêts où ils vont recueillir les faines et les glands doux et des arbustes qui se couvrent à l'automne de fruits savoureux. Oranges éclatantes, arbouses pourprées, olives rougeâtres et, surtout, raisins noirs ou dorés qui mettent en liesse les âmes sous les fronts cornus. Longtemps avant d'apercevoir le peuple de Pirippe, Clévorac et les Centaurès reconnaissent qu'ils s'en approchent. Ce n'est pas seulement à l'odeur du bouc de plus en plus âcre qui pique les narines, mais bientôt un tumulte de danses et de chants domine le gazouillis des oiseaux. À l'automne, quand reluisent les dernières ardeurs du soleil, quand la splendeur des fruits mûrs s'épanouit aux rameaux surchargés des arbres, quand la menace fréquente des orages exaspère les nerfs et annonce la tristesse prochaine des pluies hivernales, les faunes se grisent follement du jus des baies et, sur les jonchées rousses des feuilles mortes, exécutent des entrechats éperdus qui, à la nuit, se terminent dans de furieuses étreintes. Aussi, quand les centaures débouchent dans la clairière qui avoisine les fourrés où s'abrite le peuple cornu, ils ne s'étonnent point du spectacle qui les accueille. Sur le tronc mort d'un noyer, Sadionx, Phiphorix et Pulque sont accroupis. Ils tiennent dans leurs mains des roseaux percés qu'ils portent à leurs lèvres et leurs joues tour à tour gonflées et flasques en tirent des sons criards ou mélancoliques. Autour d'eux, toute la tribu des pieds de chèvre se trémousse. Depuis les faunillons ventrus et les faunillonnes du premier âge, qui titubent encore sur leurs jambes novices, jusqu'aux vieilles faunesses chassieuses et blanchies, jusqu'aux anciens dont la barbe emmêlée descend plus bas que le nombril et dont le poil des cuisses pend jusqu'à terre, tous gambadent en cadence, le front couronné de feuillage, les yeux fous, les lèvres et le menton dégoûtant du joug pourpré. En tête, Pirippe mène le branle. Il tient par la main la vieille Krita, qui, hors d'haleine, la bouche édentée bavant de joie, saute par-dessus les buissons et entraîne Pipilo, qui entraîne Priule, Puyulex, Turlu et tous les autres. Les fronts cornus s'élancent jusqu'au feuillage jaunissant, où, tout à coup, apparaissent plus bas que les ventres blancs. Les petites queues comiques, les barbes majestueuses, les sabots fendus s'élèvent, s'abaissent, tournoient, s'entremêlent avec des rires inextinguibles au hasard d'entrechats extraordinaires. L'apparition des centaures ne modère point l'orgie. D'un geste de connaissance, Pirippe souhaite la bienvenue au dominateur et puis, emmenant derrière lui la farandole, il les enveloppe du serpent sinueux de la danse. Riant, se bousculant, l'écume à la bouche, ruisselant de sueur, faunes et faunesses défilent tour à tour devant les visiteurs, passent derrière eux, repassent encore sans se lasser. Clévorac n'essaye point de parler. Il sait que quand Pyrippe est dominé par le jus de la vigne et l'influence de la saison, il est vain d'espérer de lui une parole raisonnable. Jusqu'à ce qu'il ait épuisé l'ardeur qui bout dans ses veines, son esprit n'est pas capable de se fixer. Donc Clévorac, le visage dédaigneux, demeure immobile et attend. Seulement ses deux sabots de devant gratte alternativement la terre friable et il détourne les narines quand l'odeur âcre de bouc les offense trop grièvement. Mais les fronts des musiciens deviennent violacés. La sueur inonde leurs joues, leurs yeux roulent tout blancs sous les sourcils. D'un geste brusque, Sadyonx rejette loin de lui le pipeau. Phiphorix et Pulque l'imitent. Essoufflés, hoquetants, tous trois s'affalent dans l'herbe molle. Privés du rythme de leur mélopée, la farandole se ralentit. Les mains moites échappent aux étreintes. Les uns après les autres, les danseurs roulent sur le sol, ahannant de volupté, gorgés de mouvements, sans voix et sans force. On n'entend plus que le halètement des poitrines distendues. Alors, Clévorac, escorté des centaures, s'approche de Pyrippe. Le faune est resté vautré auprès de Sadyonx le musicien. Lorsqu'il voit s'avancer les dominateurs, il se redresse à demi, lève vers Clévorac sa large face ruisselante, l'accueille par des paroles amicales entrecoupées. Ce soleil est plus beau que les autres qui a guidé les animaux rois vers leurs petits frères. Clévorac méprise les longs discours. Des mains de Urico, il prend la javeline brisée et l'attend au pied de chèvre. Tout à l'heure, les centaures ont découvert le corps de Galie, percé de cette chose maudite, et ils ont reconnu l'œuvre des écorchés. Mais leur embarras est grand, de quel côté poursuivre les meurtriers? C'est pourquoi ils sont venus vers Pyrippe. N'aurait-il pas, au hasard de ces courses vagabondes, surpris quelque indice de leur présence? Pyrippe et Sadyonx, tour à tour, examinent l'arme brisée, la flaire et la manipulent. Puis ils ont échangé un regard sournois et leurs paupières se sont baissées. Comme ils demeurent bouche close, le centaure réitère sa question. Alors le premier, Sadyonx, répond. « Non, chef. Nous ne savons rien des écorchés. » Et, semblable à la voix docile de l'écho, Pyrippe répète d'un ton persuasif. « En vérité, chef, nous ne savons rien des écorchés. » Nul ne révoquerait en doute la parole d'un centaure, mais l'âme des faunes s'enflamme si aisément que quelquefois ils mentent même sans le savoir. Aussi Clévorac soupçonneux fronce ses gros sourcils et admoneste sévèrement. « Pyrippe, Sadyonx, prenez garde à ne point dire ce qui n'est pas. » Les faunes frappent du plat de la main, leurs poitrines velues qui résonnent, et se prennent mutuellement à témoin avec un flux de paroles. Autrefois, sans doute, ils ont aperçu l'écorché, mais dans quel temps lointain? L'admirable mémoire des centaures elle-même ne s'en souviendrait pas. Et d'ailleurs, est-il sûr que cette javeline soit l'œuvre du maudit? On dit que dans certaines contrées, les arbres ont des branches qui se terminent en pointes de silex. Non, Pyrippe ne les a point vues, mais Sadyonx les connaît. Peut-être Galie a été blessée ainsi par un accident, en paissant sous leur ombre. Clévorac hausse les épaules et, de plus belle, fait voler la terre sous son sabot. Ce soir, il ne tirera rien de Pyrippe. Qu'il sache ou non quelque chose, le faune ne dira point ce qui y est. Peut-être une autre fois, il sera mieux luné. Mais avant de se retirer, Clévorac l'avertit d'une voix où gronde son mécontentement. « Pyrippe, je pense que tu as menti et que tes yeux ont vu l'écorché. Et puisque tu ne dédaignes point de l'approcher, si tes paroles sont capables d'arriver jusqu'à son esprit obtus, dis-lui ceci. » Qu'il fuit aussi loin que ses jambes de cigogne peuvent le porter, car la justice des centaures ne l'épargnera pas. Et, ayant ainsi exhalé sa colère, le chef s'éloigne avec les deux femelles. Et, tandis qu'auprès de Eurico, il déplore la duplicité de Pirippe, Cadilda sent une force légère vibrer dans ses os. Et elle est obligée de serrer les dents pour ne point jeter des cris de joie en s'enlevant par-dessus les buissons. Que bénie soit la langue menteuse de Pirippe. À cause de lui, un sang nouveau ne sera pas répandu pour racheter le sang. Et la centauresse frémit à l'idée que Clévorac aurait pu l'interroger et qu'elle aurait dû répondre. Mais voici qu'elle rougit toute seule dans la nuit qui descend, car elle a compris que, malgré la loi de son peuple, sa langue se serait refusée à dire ce qui est et qu'elle aurait menti comme Pirippe. Lorsque les croupes des centaures ont disparu dans les lauriers et que s'est éteint le bruit de leurs pas sur les feuilles sèches, Pirippe et Sadyonx se regardent. Et, à la fois, leurs faces se fendent d'un large rire qui soulève bruyamment leur poitrine. Mais, dans la nuit close, des chutes de corps résonnent sous les fourrés. Des ombres se poursuivent avec des cris de luxure. C'est l'heure chaude où mâles et femelles se ruent à l'amour. Avec un ricanement de désir, Iri, la faunesse blonde, frôle Pirippe en passant, glisse, se retourne, a un geste obscène et s'enfuit, laissant après elle une odeur forte. Les mâles tressaillent, reniflent et bondissent derrière elle. Immobiles, comme l'air saturé d'orage, accroupis, leurs mains brunes pendantes devant eux, Pirippe et Sadyonx contemplent la femme endormie et adorent sa beauté souveraine. Blanche et nue sur la mousse, à l'ombre d'un châtaignier, elle dort, la tête appuyée sur son bras, le corps abandonné, innocente et voluptueuse. À côté d'elle, son petit enfant dort aussi, enveloppé d'une peau soyeuse. Les regards lents, profonds et naïfs des faunes parcourent tour à tour la grâce du visage, les rondeurs molles des épaules et des seins, la courbe infléchie des reins, la sveltesse allongée des jambes. De toute cette forme blanche et rose émane une douceur pénétrante, alanguie et si parfaite qu'elle en abolit le désir. Pirippe et Sadyonx ont oublié les faunesses lubriques aux poils emmêlés. Rien d'impur n'effleure leur esprit. Ils adorent la grâce frêle et rayonnante de la femme, comme ils adorent la splendeur des corolles, la magie des eaux ruisselantes, la clarté suave des nuits lunaires. Des heures durant, ils demeureraient à la contempler sans rêver une joie plus aiguë. En dehors d'elle, l'univers est aboli. Qu'elle disparaisse, le soleil sera mort. L'âme des faunes tout entière est noyée d'extase. Les branchages bruissent sous la caresse de la brise. Une feuille rousse se détache, tourbillonne, se pose sur la joue de la dormeuse. Elle soupire, étend les bras et chasse l'importune. Et, à cause de ce geste, un émoi plus précis monte au cœur des capripèdes. Tout à l'heure, la femme assoupie était une sœur irréelle des fleurs, de la lumière et des eaux moirées. Une image insaisissable de beauté, une forme impalpable de chimère. Parce que son geste l'a révélée vivante, créature de chair et de sang, capable de donner et de recevoir de la volupté, le rêve des faunes s'envole et, soudain, d'un seul coup, la convoitise embrase leur âme mobile. Leurs oreilles se dressent, leurs yeux luisent, ils passent leur langue sur leurs lèvres épaisses. Un frisson court le long de leurs échines robustes. Leurs mains se ferment et s'ouvrent convulsivement. Un souffle de brise plus fort fait osciller le dôme des feuilles. Un rameau se brise avec un craquement sec. La femme tressaille, ouvre les yeux, et devant elle, elle aperçoit les faunes accroupies qui la guettent de leurs prunelles avides. Avec un cri strident d'effroi, elle se lève et se met à fuir. Mais, d'un pareil élan, les deux mâles se ruent à sa suite. Toute autre pensée abolie, le furieux désir qui brûle leur moelle les tend tout entier vers un seul but. La femme court à travers les hautes fougères qui s'écartent et se redressent. En quelques bonds, Périple la rejointe. Il abat sa main sur son épaule. Elle le frappe au visage, veut le repousser. Mais, en riant, il la terrasse. Elle roule à terre sur le lit des fougères froissées. Il y a un hurlement éperdu d'horreur. Vers l'ondulation des feuillages, sa dionx, la langue pendante, se précipite à son tour. Des plaintes déchirantes montent au ciel. Effrayées, les oiseaux se taisent dans les arbres. Sanglante, les yeux fous, insoucieuse de lacérer sa peau délicate aux épines de la brousse, la femme surgit du fourré et s'enfuit avec de longs gémissements. Derrière elle reparaissent Périple et sa dionx. La fièvre de leurs yeux s'est éteinte. Périple porte au front une large égratignure. Sur la poitrine de sa dionx, des touffes de poils sont arrachées. Mais une satisfaction sournoise est sur leur visage. Soudain, ils se toisent l'un l'autre, baissent en même temps les paupières, comme honteux, les relèvent et, se guignant du coin de l'œil, éclatent de rire bruyamment. Puis, la main dans la main, ils prennent le chemin du retour. Un miaulement comique fait dresser leurs oreilles pointues. Dans le délire de sa terreur, la femme, en se sauvant, a oublié son enfantelé. Éveillé par les cris et le bruit de la lutte, il pleure et enfonce son poing dans sa bouche. Indécis, les faunes s'arrêtent et le considèrent. Leurs cœurs compatissants sont troublés de chagrin. Le petit être souffre de la faim, et peut-être sa mère affolée tardera à le rejoindre. Soudain, sa dionx a une idée charitable. Il ramasse à terre quelques châtaignes tombées, à demi mûres, s'assied les jambes croisées, et, entre ses cuisses poilues, il pose le petit enfant qui braille. Puis, dans la bouche ouverte, il introduit un à un les fruits écorcés. Jaloux de sa bonne action, Périple, lui aussi, s'empresse de faire la cueillette et de l'offrir aux petits des hommes. De toute la force de ses membres, le nourrisson se débat. Des plaintes étouffées sortent de son gosier qui s'efforce vainement de rejeter les fruits. Sa face devient écarlate. Mais, tout entiers à leur plaisir, les faunes se divertissent de ses gestes désordonnés, de ses cris et de la couleur violacée de son visage. À l'envi, chacun veut fourrer encore une châtaigne entre les joues distendues. Le jeu est à qui en mettra davantage. Mais, tout à coup, la chétive créature cesse de geindre. Les yeux exorbités ne roulent plus. La langue, devenue noire, n'essaie plus de repousser les fruits accumulés. Les membres qui tout à l'heure s'agitaient si désespérément tremblent encore un instant et puis demeurent immobiles. La face tuméfiée est inerte. Triomphalement, les faunes enfournent encore deux ou trois châtaignes entre les gencives molles, et puis, étonnés, ils s'arrêtent et se consultent. Inquiet, sa dionx soulève le corps menu, l'approche de son oreille et de ses narines. Périple, effaré, le regarde faire. Il est mort! Les faunes restent sur place, consternées. La désolation inonde leur cœur. Des sanglots gargouillent dans leur poitrine. Voici que, sans pensée mauvaise, ils ont donné la mort au petit être. Ils se lamentent et volontiers arracheraient les poils de leur barbiche. Mais il est contre nature de récriminer sur le passé. Leurs regrets ne rendront pas la vie à la mignonne masse de chair. Attristés encore, mais déjà l'esprit tourné à une autre idée, il manie curieusement les bras et les jambes qui se refroidissent et admire les minuscules doigts roses, si incroyablement délicats. Une clameur emplit la clairière. d'une détente de jarret, Pirippe est debout. Les écorchés, ils s'élancent, brandissant des bâtons et des massues. À leur tête est la femme qui désigne les faunes du doigt et jette un hurlement quand elle aperçoit le cadavre de son enfant. Pirippe n'est point belliqueux. Il appelle Sadionx et gagne le fourré. Mais Sadionx, embarrassé par le petit corps, perd une seconde. Au moment où Pirippe se retourne pour l'appeler de nouveau, le plus leste des écorchés, un jeune mâle aux yeux clairs, est déjà sur le faune. Et, entre ses deux épaules, il enfonce une tige rigide où s'enchâsse un silex pointu. Avec des cris de vengeance, toute la bande s'abat sur Sadionx, bâton levé. Mais, sans perdre de temps, son meurtrier court vers Pirippe que la terreur a cloué sur place. Les autres le suivent. Alors le faune pressent la mort et, avec un gémissement de détresse, il détale à travers les halliers. La meute glapissante des écorchés est à ses trousses. À chaque instant, Pirippe croit sentir dans son dos la morsure de la pierre aiguë. La terreur met des ailes à ses jambes. Il sait que sa vie dépend de l'agilité de ses muscles et fuit éperdument dans la forêt. L'approche de l'orage opprime tout ce qui vit. L'air sec et lourd ne rafraîchit pas les poumons. La mer écrasée s'endort en mare stagnante. Pas une feuille ne bruit. Au sud monte lentement une masse noire de nuées, de temps en temps traversée d'un éclair. Dans le lointain, gronde un tonnerre assourdi. Les centaures immobiles sont épars sur la grève. Parfois, deux ou trois se lèvent, vont se tremper dans l'eau salée, et puis reviennent s'étendre. Leurs narines hument, anxieuses, l'atmosphère torride. Les paroles sont rares. Entre les mâles énervés, des querelles naîtraient aisément. Mais la chaleur accablante refraîne les humeurs belliqueuses. Hir ! Siada a jeté un cri d'alarme. Tous écoutent. Qui donc, dans le bois de pin, s'élance d'une telle allure ? Tirés de leur torpeur, les centaures tournent la tête. À la lisière des feuillages noirs apparaît la silhouette de Pirippe. Un murmure d'étonnement court. Qu'est-il arrivé au faune ? Son visage est plus écarlate que le fruit de l'arbousier ou que le soleil à son couchant. La sueur lui a collé les poils aux cuisses, le sang affleure ses narines. Il se laisse tomber sur le sable et hoquette sans pouvoir retrouver sa respiration. Les centaures l'entourent et l'interrogent. Une trombe s'est-elle abattue sur son peuple ? A-t-il rencontré un mastodonte en rute ? Ou bien si c'est sa paillardise qui lui a valu quelque aventure. Pirippe entr'ouvre les lèvres, des sons rauques s'en échappent. Des deux mains, il comprime sa poitrine, qui bat comme si elle allait se rompre. Ce n'est qu'après avoir vidé une coquille pleine d'eau que ses traits se détendent et qu'à phrases entrecoupées, il peut faire le récit de la catastrophe. Comment son malheur et celui de son frère les entraînèrent du côté de la rivière aux cygnes, et comment une tribu infâme d'écorchés les a surpris et lamentablement a massacré le musicien. Sadionx ne réjouira plus le peuple au pied de chèvre des sons mélodieux du roseau percé. Lui-même n'a échappé à la mort que par la vigueur de ses jarrets. Tel est le récit de Pirippe. Un grondement de tonnerre plus proche en souligne la fin. Mais le tonnerre disparaît dans le mugissement des centaures. En un instant, tous sont debout. Une seule voix de colère enfle toutes les poitrines du cri de guerre. Sans qu'ils aient besoin de se concentrer, la même volonté met du feu dans leurs veines. Qu'avant le soleil de demain, le meurtre de Sadionx soit vengé. Cette nuit, les mangeurs de chair en auront au-delà de leur faim. Comme les jambes de Pirippe flageolent sous lui, Arc frappe de la main son garrot et lui fait signe d'y monter. En un clin d'œil, le faune est à califourchon sur ses épaules. Aux sabots de Arc, toute la horde se précipite. Le promontoire rocheux est bientôt franchi. Le tourbillon des centaures dévale sur la plage du Midi à l'encontre de l'orage. Par rafales, le vent brûlant soulève le sable, ensangle le visage des dominateurs. Mais, secouant leurs chevelures et leurs queues flottantes, ils s'exaspèrent de sa morsure et vont plus vite. En face d'eux, des serpents de flammes déchirent la nuée. Un instant, au prodige du feu, ils ferment les yeux. Mais ils n'ont pas ralenti leur course et forcent l'allure, insoucieux du tonnerre. Et la menace redoutée de l'orage trouble moins violemment qu'Adilda que les pensées tumultueuses qui se heurtent dans son cœur. Galopant sous les cieux opaques, striés de clarté livide, il lui semble qu'elle est le jouet d'un cauchemar dont tout à l'heure elle se réveillera. Les paroles de Pyrippe chantent invraisemblables à son oreille. La mort de Sadyonx n'est qu'un rêve sans réalité. Et il n'est pas possible, voyons, que tout à l'heure roulent fracassés sous les pieds des centaures les corps blancs qu'elle a si souvent aperçus parmi les fourrés, le corps de l'enfant Naram, dont chaque soir, avant de s'endormir, elle répète le nom à voix basse. À cette seule image, son cerveau vacille et elle allaite comme les vieilles poursuivre la horde. Avant d'atteindre la rivière, les centaures ont quitté la plage. Ils s'enfoncent parmi les pins rabougris. Bientôt, les feuillages se font plus clairs. Au passage, Cadilda reconnaît les bouquets de frênes, de tilleuls et d'aulnes qu'elle a côtoyés si souvent. Ce soir, ils allongent sinistres leurs rameaux maigres. Maintenant, le ciel est tout noir. Le soleil s'est enfoncé dans la terre lointaine. De tous les côtés à la fois, des éclairs brûlent les yeux. Les centaures interdits s'arrêtent d'une seconde et reprennent leur marche au roulement du tonnerre. L'orage les serre. Trahis par leur misérable odorat, assourdis par la foudre, les écorchés ne soupçonneront pas l'approche des vengeurs. Le châtiment tombera plus inattendu sur leur tête. Dans un rayonnement d'une blancheur aveuglante, quelque chose d'atroce apparaît au pied d'un arbre. Le cadavre mutilé de Sadyonx, entièrement dépouillé de sa peau. Sur son dos, Arc sent Pyrippe grelotter de tous ses membres. Ivres de rage, les centaures grincent des dents. Des imprécations montent dans les gosiers. Mais Clévorac commande le silence. Il faut surprendre les écorchés. Voici que se dessine leur piste toute fraîche. Penchés sur l'herbe récemment foulée, les centaures s'avancent plus lentement en étouffant le bruit de leurs pas. Et Cadilda reconnaît le chemin qu'elle a parcouru si souvent qu'elle pourrait suivre les yeux fermés. Il faudra côtoyer un taillis de lauriers, dépasser un petit bois d'ajoncs et de tilleuls mêlés, et puis, sous les châtaigniers, ce sera le groupe des cabanes éparses. Dans quelques instants, tout sera consommé. D'une allure mécanique, la centauresse se traîne au pas de ses frères. Il lui serait impossible de parler ou d'agir. Elle est esclave de la force déchaînée de son peuple. Mais une souffrance poignante lui tord le cœur. Et voici que Clévorac s'arrête, un doigt sur les lèvres. Avide, les yeux s'efforcent dans la nuit. Les masses sombres des grottes singulières se dressent au pied des grands troncs. Çà et là, des fantômes chétifs s'agitent. Un éclair illumine le sous-bois. Les centaures distinguent les maudits qui, au moyen de lianes et de pieux, tâchent d'assujettir leurs abris afin qu'ils ne soient pas enlevés par la tempête. Peine inutile. Avec un hurlement qui domine la foudre, la force irrésistible des centaures s'abat dans la clairière. Hommes, femmes, enfants roulent pêle-mêle sous les sabots. Au choc des épaules puissantes, les fragiles huttes de chaume craquent et s'écroulent, ensevelissent sous leurs débris ceux qui déjà y étaient réfugiés. En une clameur indicible se mêlent les cris aigus de terreur, les râles d'agonie, les rugissements de triomphe. La plainte sauvage du vent est, moins affreuse, la voix du tonnerre. La lueur blême des éclairs illumine un chaos de croupes robustes, de cuisses musclées, de torses cabrés et de mains redoutables. La plupart des écorchés sont tombés aux premières heures et n'ont pu se relever. Quelques-uns ont saisi leurs bâtons et se défendent en désespérés. Mais, à cause de l'obscurité, leurs coups mal dirigés s'égarent. Les centaures les saisissent à bras le corps, les broient d'une seule étreinte, les écrasent contre le sol. Ou encore, les faisant tournoyer à bout de bras, fracassent les crânes contre les troncs d'arbres où restent plaquées des cervelles gluantes. L'odeur fade du meurtre imprègne l'air. Les pieds glissent parmi les flaques de sang. Ceux d'entre les impurs qui essaient de fuir sont aussitôt rattrapés et massacrés. Peu à peu, la rumeur s'apaise. Les corps blancs, inertes, jonchent le sol. Mal satisfaits, de crainte que quelques-uns ne demeurent cachés, les centaures fouillent parmi les débris des chaumes effondrés. Des vagissements d'enfants sont vite étouffés. Une cabane est restée debout. Arc passe la tête dans l'entrée, il se rejette en arrière avec un cri de douleur. Un éclair rend visible son visage sanglant et un fantôme grêle qui bondit vers le fourré. Mais déjà la horde est sur le fugitif, massue brandie, ses poings étendus. Un fracas plus effroyable dégringole des cieux crevés. La clairière s'embrase. Une odeur de soufre empoisonne les narines. Hébétés, les centaures vacillent sur leurs boulets. Avec des craquements assourdissants, une masse enflammée s'abat sur le sol. C'est un châtaignier géant qui s'est écroulé sous le coup de la foudre. À la vue terrifiante du feu, les centaures reculent. Les flammes jaunes et rouges crépitent, dévorent les branchages, montent au ciel. Sur le brasier se détache la silhouette de l'écorché. La chute de l'arbre lui ôte sa dernière chance de fuite. Les centaures n'ont qu'à étendre les bras pour le saisir. Ils s'avancent et jettent des cris de victoire. Mais voici qu'avec un grondement d'horreur, la horde s'ébroue et se bouscule. Escaladant le tronc de l'arbre enflammé, le maudit, d'un effort désespéré de ses bras maigres, en arrache deux branches dont l'extrémité est embrasée, fait face au dominateur, il leur apparaît enveloppé de la majesté prodigieuse du feu. Un double cri jaillit de la horde effarée. Celui de Pyrippe, qui a reconnu le meurtrier de Sadyonx, celui de la Vierge Blanche, qui a reconnu Naram. Les autres demeurent immobiles, silencieux, atterrés. Quelle est donc la puissance mystérieuse de cet être pâle qui se joue de la force étincelante du soleil? Naram s'avance en faisant tournoyer les flammes autour de lui. Devant l'enfant débile, la masse du peuple aux six membres recule en baissant les yeux. Mais, tout à coup, les feuilles luisent. Une ondée torrentielle tombe des cieux liquéfiés. Sous l'averse, les flammes vacillent. Naram fait un pas en arrière. D'un geste violent, il précipite les tisons ardents au milieu des centaures, qui s'enfuient. Et, bondissant avec un cri de défi, il franchit le tronc d'arbre embrasé et disparaît dans le fourré. Quelques secondes, la stupeur cloue sur le sol les dominateurs. Puis la colère de l'outrage subi exaspère leur orgueil. Avec des imprécations de rage, ils s'élancent à la poursuite de l'insolent. Mais la nuit opaque, où les éclairs s'éteignent, protège la fuite de Naram. Les cataractes qui tombent des nuages abolissent ces traces. Après quelques instants, les centaures reconnaissent vain leur espoir. Clévorac jette l'appel de ralliement. Que le peuple aux six membres ne s'obstine point. Seul et nu, L'écorché succombera à la faim ou à la fatigue, si même l'épargne la dent de Hertha ou la griffe de Raram. Et si, par fortune, il échappe à la mort et au-delà des monts rejoint quelques tribus de ses frères, il leur enseignera la terreur des centaures et de leur justice inéluctable. Le signal du départ est donné. À travers futaies, landes et taillis, la chevauchée reprend sa route, regagne la rivière, atteint la plage et, d'un trot allongé, se dirige vers les roches protectrices. La pluie s'est arrêtée, les esprits sont joyeux. Sans doute une secrète colère subsiste que le meurtrier de Sadyong s'est échappé. Mais les autres ont payé pour lui. Le peuple roi a montré sa force. Nul n'a reçu de blessures graves. Brusquement, parmi les nuages qui s'enfuient, apparaît le disque de la lune. Sous son rayonnement, la place luit, neigeuse, et la mer grondante étincelle. Sonore, la voix de Uriko se lève et entonne le chant de victoire. Et tous reprennent en cœur ses paroles en faisant voler le sable sous leurs pieds. Quand ils atteignent les roches rouges, le milieu de la nuit est déjà écoulé. En tâtonnant, les centaures gagnent leur litière. Des paroles aigres s'échangent à cause d'involontaires bousculades, mais la fatigue est trop grande pour que naissent des querelles. Bientôt s'élève le rythme des respirations égales. Seule Kadilda est demeurée sur la plage lunaire. La scène de meurtre est encore devant ses yeux. Au milieu des roulements de tonnerre et des cris d'agonie, elle voit toujours les corps graciles tomber sous les coups des centaures. D'horribles images se pressent en elle, et pourtant une figure domine les autres. C'est, brandissant le feu, celle de Naram, qui survit au désastre de son peuple. Quand elle ferme les yeux, elle l'aperçoit gigantesque dans l'embrasement. Quand elle les rouvre, c'est lui qu'elle voit dominer les flots argentés. Devant lui, tout seul, la horde entière des centaures a reculé. Du souvenir de sa force, Kadilda frissonne. De celui de sa faiblesse, elle frissonne aussi. Seule, blessée, perdue dans la nuit, échappera-t-il à la morsure des mangeurs de chair et à celle du froid, à l'épuisement qui terrassera ses membres débiles? Et même s'il triomphe de tous les périls, Kadilda ne le reverra jamais. Jamais plus il ne lèvera sur elle ses yeux pâles. Jamais plus elle ne le suivra des yeux, de longues heures, cachées dans les taillis. La poitrine de la centauresse se gonfle. Une douleur inconnue étreint sa gorge. Sa tête s'incline. Sur l'épaule de la Vierge blanche, une main se pose. Avant de s'endormir auprès de son peuple, Clévorac a aperçu solitaire, debout sur la plage, sa dernière née. Son cœur s'est ému et il s'est approché. Sous la caresse, la centauresse tressaille et se retourne. À l'aspect de son visage éclairé par la lune, le chef atterré se recule. Voici que sur les joues de Kadilda ruissellent des gouttes étincelantes telles que jamais il n'en est sorti des yeux de centaure, pareilles à celles de la rosée, pareilles à celles qui jaillissent des prunelles du cerf blessé, pareilles aux larmes des hommes. Et, regardant pleurer sa fille, le vieux demeure sans voix, effrayé du prodige, le cœur incertain. Soudain, l'indignation le saisit. Sera-t-il humilié dans son propre sang? Le poing levé, il fait un pas. Kadilda baisse la tête. Sur son épaule rugueuse, le chef sent tomber une goutte tiède. Doucement, sa main se repose sur les cheveux de la Vierge. Un grand émoi bouillonne dans son âme fruste. Il hésite et il cherche vainement des mots qu'il ne connaît pas et qu'il voudrait dire. D'un geste lent, il attire à lui la tête blonde et, tous deux, les mains enlacées, demeurent immobiles très longtemps sans parler dans la nuit nacrée.